La tour en marche, par Lucie de la rue Mardreuse. Puisqu'elle avait quatre pieds pour marcher, qui sait pourquoi elle restait si sage à sa place? Les langues des cinq parties du monde avaient déjà cassé en elle durant les années d'exposition universelle, comme une bande d'oiseaux bariolée dans une cage de fer. Debout et droite au centre des points cardinaux, elle avait, de même qu'une chandelle la tire les hannetons, tenté les foules humaines. Elle avait reçu des princes, des rois, des empereurs, des présidents. Sa gloire avait brillé sur les cartes postales, les breloques de montre et les pelotes à épingles. Elle avait même eu la suprême consécration, on l'avait imitée. La seconde ville de France avait voulu, à l'instar de Paris, honorer son fleuve d'une si haute présence. Et la colline brumeuse de Lyon s'enorgueillissait aussi d'être poignardée par une simili tour Eiffel. Mais pourquoi rappeler tous ces triomphes? Il faut dire seulement que les magnificences du succès l'avaient lassée. Elle s'ennuyait. Vainement faisait-elle tourner le gros œil compliqué de son phare. Les quatre horizons n'avaient plus de nouveautés pour elle. Et quant aux phénomènes atmosphériques qui eussent pu la distraire, elle les méprisait, car elle n'aimait pas la nature. D'ailleurs, elle avait le sentiment de sa supériorité. Elle n'ignorait pas que son paratonnerre était plus fort que la foudre, sa lentille plus grosse que les étoiles, et que son drapeau claquait mieux que l'ouragan. Et si le couchant enflammé la traversait en biais, elle connaissait des feux de Bengale plus beaux que n'importe quel rouge soir. Et si les brouillards de la Seine faisaient quelquefois d'elle une tour fantôme, elle savait des projections plus saisissantes. Quant aux visites tournoyantes des martinets et autres oiseaux, elle n'y prêtait même pas attention. Elle trouvait cela bon pour les arbres. Cependant, un souci capital la faisait sourcilleuse. Elle souffrait de son entourage. Elle savait bien qu'elle était au-dessus de tout, mais elle éprouvait un agacement considérable à voir se profiler sur le ciel les monuments de Paris, sur tous les tours. N'était-ce pas autant d'offenses personnelles, ces silhouettes qui se permettaient devant elle de dominer? Elle y voulait à ses pieds le nivellement universel, quelque chose d'égalitaire comme une haie fraîchement taillée. Si même le plâtre des pâtisseries qu'elle distinguait sur les proches maisons de rapport l'offusquait, que dire des cathédrales qui se permettaient d'être ajourées, sculptées, incrustées de verreries et d'avoir des flèches? Pourquoi ces personnalités, ces originalités qui déparaient l'ordonnance de la ville en dépassaient de tous côtés la géométrie? Elle eût encore presque pardonné au petit et au grand palais et autres points Alexandre. Cela, après tout, ne tenait guère plus de place qu'un déménagement de pendule. Et puis c'était du neuf, et l'on sait à quoi cela sert. Mais ces vieilles antiquités dont on ne connaissait plus les raisons, toutes ces tours Saint-Jacques et toutes ces Notre-Dame, que faisaient-elles donc sur l'horizon, occupant inutilement tant de bons terrains à bâtir? Or, ayant longuement médité ses griefs, elle se décida enfin, une nuit, à l'heure où personne ne sait ce qui se passe, dans le bref et absolu silence de Paris endormi, elle secoua formidablement son échine métallique, jeta un coup de phare circulaire sur la ville et se mit à marcher. La façon dont manœuvrèrent ses quatre pieds maladroits, ankylosés par 16 ans d'immobilité native, nul être humain ne le saura jamais. La lune seule, la vie agitée sur la capitale, son ombre démesurée, la lune seule, perçut les quatre coups irréguliers de sa claudication martelant le silence urbain, la lune seule reçut au visage l'éclaboussure de la Seine lorsque, crevé par les quatre jambes de fer, son eau rejaillit jusqu'au ciel avec un bruit vertigineux. Il y eut bien un pauvre sergent de ville égaré dans la nuit qui leva son bâton blanc devant elle au moment qu'elle mettait un pied dans l'eau. Mais, essayant ainsi de rétablir l'ordre troublé par cette passante de 300 mètres, il fut, cela va sans dire, réduit à l'état de néant, lui et son bâton d'autorité, et cela sans que même la tour s'en aperçût. Cependant, elle avait traversé la Seine. Héroïque, comme la reine du jeu d'échecs, elle courut d'abord au premier ennemi, et, négligente, se trémoussant un peu au passage, elle renversa l'une et l'autre tour du Trocadéro. Satisfaite de ce premier exploit, trouvant la vengeance douce et facile, elle poursuivit à grands pas sa course, décidée à tout jeter bas. Elle ignora le Louvre. Cela l'intéressait peu. Elle avait hâte d'arriver à l'objet de ses rancunes, Notre-Dame. Quand elle fut devant la double tour, qui, solennel, entouré de nuages mouvants et de clairs de lune, semblait s'avancer vigoureusement dans la nuit, elle s'arrêta. Elle n'avait pourtant pas peur des curés, mais elle ne savait pourquoi cette vieille bondieusarde de cathédrale, vue de près, l'intimidait. Il lui semblait tout à coup que la flèche de cette naine la dépassait, elle, tour Eiffel, d'un nombre incalculable de mètres. Et elle se rendit compte qu'elle ne pourrait pas faire échec à ces tours-là, comme à celle du Trocadéro. C'est pourquoi, déguisant son humiliation sous une attitude arrogante, elle apostropha sa rivale en ces termes. « Eh là-bas, la petite, est-ce donc que tu ne me vois pas ?» Sa voix étant dure comme le fer, il monta, par résonance, du fond des grands orgues endormis dans l'intérieur de Notre-Dame, une sorte de grognement musical. Et ce fut tout. « Tu dis ?» fit la tour étonnée. Puis, soudain, furieuse du peu d'effet qu'elle produisait, elle donna un gigantesque coup de pied sur le parvis et en une seule fois dégoisa tout ce que sa haine et sa vanité avaient à formuler. « Au fond, pourquoi fais-tu la mijaurée? Qu'est-ce que tu représentes? À propos de quoi t'as-t-on bâti? Oui, j'ai entendu parler de cette Ave Maria que les petites filles d'autrefois récitaient. Mais qu'est-ce que c'est que cela? En somme, on la connaît, la petite moquère juive, à qui tu es dédiée. J'en ai vu l'état comme elle, en 1889 et en 1900. De quoi es-tu fier, alors? Moi, c'est autre chose. Moi, je suis l'esprit moderne. Je suis le clocher géant de la piété moderne. Je suis la cathédrale de fer de ce temps. J'ai l'air d'un haut fourneau. Quand le soleil se couche autour de ma tête, on dirait un feu de cheminée d'usine. Et puis, vois-tu, je suis neuve, moi. Mais toi, regarde donc, tu es culotté comme une vieille pipe. Tes vitraux? Mais tu ne m'as donc pas vu les jours de fête? Ah, mes feux électriques, mes girandoles, mes confettis, mes serpentins. Tes messes, tes orgues? Mais est-ce que je n'ai pas une tonnelle où on chante les petites chansons en vogue? Toi, tu n'es qu'une église. Moi, je suis un théâtre et un phare, une tour et un ascenseur, un observatoire et un paratonnerre. Ton histoire de France, t'es Saint-Louis, t'es Napoléon. Moi, j'ai hébergé Félix Faure et Nicolas, et bien d'autres. Tu ne sais donc pas qui je suis, vois mes jambes. Je vous enfante tous et toutes, tels d'églises et de monuments. J'accouche de vous tous les jours. Je suis la mère gigogne de Paris, moi. » Les orgues elles-mêmes s'étaient tues. Quoique chaque gargouille eût une réplique au coin de sa bouche sardonique, Notre-Dame, invectivée, continuait comme par le passé, à enfermer silencieusement son cœur immémorial dans sa chasse hypocrite et dorée. Elle savait qu'elle était autre chose qu'une petite juive, autre chose que les évangiles, autre chose que les curés. Elle connaissait les races qu'elle avait mangées, et les têtes couronnées, et les pieds en sabots, ouvriers, rois, penseurs, artistes, qui, dans le triomphe du Tédéum, s'étaient avancés au pays sublime de ses rosaces. Et la grande tour neuve, sur sa base écartelée, se dégingonnait de colère et d'impatience, sans oser décidément approcher plus près. Enfin, la cathédrale la prit en pitié. Par la triple bouche de ses portes, elle dit: « Si j'étais toi, je retournerais bien vite à mon poste. Tu as juste le temps avant l'aube. Ainsi, personne ne s'apercevra de la fugue. » « Et les autres tours ? » fit la géante avec humilité. « Les autres tours restent à leur place, » dit sévèrement la cathédrale. « C'est que, » reprit les pauvres 300 mètres, « je croyais bien leur devoir aussi une visite. »« Elles s'en passeront, » répondit Notre-Dame. « Comme je suis leur doyenne, il suffit que je t'aie vue. » Et puis on te connaît suffisamment de loin. » Mais la tour ne s'en allait pas. Une pensée torturait sa tête trop petite. « Je suis obligé de convenir que tu as plus d'expérience que moi, » dit-elle. « Aussi, je veux te demander un conseil. Tu comprends, je suis de la génération des autos et des teufs-teufs, moi. Et je sens que je ne peux plus rester en place. Il faut absolument que je voyage. Où faut-il aller ?» La cathédrale eut une réponse féroce. « Si tu allais voir le sphinx, » fit-elle. Et voici que la tour, n'ayant point compris l'ironie, s'empara violemment de cette idée et se mit à danser de joie sur ses pieds. « Merci » criait-elle. « Au revoir !» Elle savait vaguement que le sphinx était une célébrité, qu'il était cousin de l'obélisque et qu'il habitait l'Égypte. « Un arabico, » pensait-elle, « ce n'est pas très difficile à épater. » Il se réjouissait d'avance en songeant à la belle revanche qu'elle allait prendre après sa déconvenue. C'est pourquoi, clopin clopant, elle poursuivit sa route nocturne, allant bravement vers le sphinx. Le roman de son voyage serait trop long, sachant seulement comment, tout le long de la France, elle méprisa prudemment les Notre-Dame et les Sacré-Cœurs, se contentant au passage de renverser quelques donjons neufs de villas. Comment elle marcha sur le sol sous-marin, comment la Méditerranée tout entière traversa son armature, et comment les poissons des profondeurs, la prenant pour une épave de cuirassé, vinrent ironiquement la regarder avec des yeux de hibou. La mer la rouilla et la poétisa. Des coquilles et des algues prirent racine sur elle. Coiffée de corail et de goémon, elle aborda un soir sur la terre d'Égypte, et tout de suite, quelques cigognes eurent envie de faire leur nid sur sa tête. Mais elle les secoua avec indignation et reprit sa marche. Et comme elle approchait des régions où la bête énigmatique se couche, ses pas s'enfonçaient dans le sable comme ceux d'un colossal éléphant. Or, avant de se présenter, parce qu'elle savait comment on récure les casseroles, elle eut soin de se rouler longtemps dans le sable pour se débarrasser de toutes les ordures marines. Elle souhaitait même d'être remise à neuf et peinte en jaune. Quand elle se jugea un peu plus brillante, convenable, en trois enjambées, elle fut devant le sphinx. La nuit autour de lui descendait. Sa tête baignait dans le ciel et ses reins dans le sable. Comme la lune qui montait le couronnait d'une tiare de lumière, la déesse dormait, invisible, entre ses griffes. Et, devant la tour de 16 ans qui considérait, stupide, son attitude millénaire, sur son visage de pierre, s'épanouissait, telle une rose, la jeunesse de l'éternité. D'ailleurs, la tour ne le considéra pas longtemps. « C'est ça, » pensa-t-elle. C'est ce gros chat qui ne sait même pas ronronner. Il a l'air de faire le malin parce que la pleine lune est sur sa tête. Mais moi, j'en ai 100 des lunes, les soirs, quand mes globes électriques sont allumés. Et tout à coup, ravaillardie par son long bain de mer, elle prit son élan, et se jetant sur lui, elle cria, facétieuse, « Échec au roi !» Mais elle recula vite. Elle s'était donné un coup violent sur la jambe. Alors vexée, se souvenant en face du sourire sacré des vocabulaires de Paris, elle cria d'une voix rouillée de rouleuse « Chameau !» Simplement, le sphinx, comme un chat qui crache, souffla sur elle. Emportée dans ce simoun, la malheureuse tour de 300 mètres, clou de Paris, se trouva en un instant roulée, disloquée, enterrée dans le sable. Et elle ne fut plus qu'une carcasse dans le désert, moins belle que celle du chameau qu'elle avait évoqué. Pareil à ces vilains débris de pont de fer entraînés par les inondations, et que viennent regarder en se croisant les bras, le long des ouettes sahariens, les bâtisseurs découragés. C'était La Tour en marche, par Lucie de la rue Mardrus.